Guru Vachaka Kovai. Première partie. Chapitre 26. Verset 178. Ô homme, ne discutez pas et ne vous disputez pas entre vous au sujet de la réalité du ciel et de l'enfer. Aussi longtemps que, et dans la mesure où, ce présent monde est réel, dans cet intervalle et dans cette mesure, le paradis et l'enfer sont réels également. Commentaire de Sadhu Homme. Beaucoup d'entre nous sont très intéressés à discuter de la réalité et de l'existence d'autres mondes tels que le paradis et l'enfer, et à savoir s'ils sont ou non de simples imaginations mytho-poétiques. Sri Bhagavan, cependant, souligne que tous ces arguments sont basés sur une fausse prémisse, à savoir la réalité de notre propre existence. Tel est l'œil, telle est la vision, dit le proverbe. Par conséquent, en se prenant soi-même, le voyant, comme étant réel, nous concluons que le monde, ce qui est vu, est également réel. Mais c'est seulement quand, grâce à la connaissance du soi, nous trouvons que le voyant est irréel, que nous pouvons vraiment savoir que ce monde et tous les autres mondes sont également irréels. En attendant, nous n'avons pas de véritable prémisse qui nous permettrait de juger de la réalité de ce monde-ci ou d'autres mondes, et, par conséquent, il est juste d'attribuer le même degré de réalité à tous les mondes, qu'ils soient visibles ou invisibles, que celui que nous donnons aux voyants. Fin du commentaire. . 179. Si ces génies qui affirment « Oui, ce monde et ce corps que nous voyons existent réellement » s'asseyaient et examinaient cette question avec moi, je leur ferais certainement remarquer « Oui, non seulement ce monde existe réellement, mais aussi d'autres mondes comme le paradis et l'enfer. » Commentaire de Sadhu Homme. Même les scientifiques ont finalement compris de nos jours qu'on ne peut dire des choses que nous percevons au moyen des cinq sens, qu'elles existent objectivement de la même manière qu'elles nous apparaissent. Et aussi, étant donné que les sens ne peuvent pas révéler les choses telles qu'elles sont réellement, qu'il est faux de croire en nos sens et de décider que le monde existe tel que nous le voyons. Dans ce verset, bien que Sri Bhagavan appelle ironiquement génie ceux qui affirment la réalité de ce monde, pourquoi, au lieu de leur dire que le monde est irréel, se joint-il à eux pour dire qu'il est réel? Il y a deux raisons pour lesquelles même les jnanis qui ont réalisé que l'apparence du monde était illusoire disent que le monde est réel. La première est que le jnani ne se voit jamais comme un jiva irréel et insignifiant, mais seulement comme la conscience réelle, illimité et pur. Puisque sa vision est celle de Brahman, il dira conformément à l'adage « tel est l'œil, telle est la vision » que l'univers est réel. La deuxième raison est que si on disait la vérité que ce monde et les autres mondes, tels que le ciel et l'enfer, sont tous irréels, les ignorants, qui ne connaissent pas la vérité absolue en raison de la puissance de leur vasanas sous la forme de désirs mondains, perdraient toute crainte de faire de mauvaises actions et tout intérêt à accomplir des punya karmas, les actions méritoires. Partant, il est dans l'intérêt des ignorants qu'on leur dise que les mauvaises actions accomplies en ce monde les mèneront en enfer et que les actions vertueuses les mèneront au ciel. Par conséquent, alors que le mental moderne prend le présent monde et les événements qui s'y produisent pour réels, il est manifestement faux pour eux de croire que tous les mondes et événements mentionnés dans les Puranas sont irréels, ou de dire que nous pouvons considérer ces choses comme de simples imaginations mytho-poétiques. On peut également se reporter à la Bhagavad Gita, chapitre 3, verset 26. Fin du commentaire. Chapitre 27. La terreur de l'enfer. Verset 180. Seuls ceux qui ne connaissent pas la nature de la misère sont terrifiés par les tortures de l'enfer. Mais si l'on comprend ce qu'est la misère, on saura comment y mettre fin, et on atteindra certainement son état naturel de béatitude. Commentaire de Michael James. Un examen approfondi révélera que la nature de la misère est la manifestation du moi, l'ego, puisqu'aucune misère n'est ressentie au cours du sommeil profond où il n'y a pas de manifestation de l'ego. La manière d'éradiquer la misère, c'est donc de ne pas permettre la manifestation de l'ego, ce que l'on ne peut empêcher que par une vigilante attention au soi. C'est pourquoi l'investigation « Qui suis-je ?» est le seul moyen de mettre fin à toute misère. Fin du commentaire. Chapitre 28. La conquête de l'enfer. Verset 181. Les Puranas disent que le Seigneur Narayana a tué le démon de la misère, nommé Narakasura. Ce démon n'est autre que celui qui vit comme « Je suis ce corps, la source de la misère ». Celui qui cherche la source de Narakasura, c'est-à-dire la source de l'ego, et donc anéanti ce dernier, est vraiment le Seigneur Narayana lui-même. Le bain Dipavali, que tout le monde prend à la 14e lune en souvenir de la victoire sur Naraka, signifie le bain du Jnana, que l'on prend après avoir détruit l'ego Narakasura, en recherchant sa source. Commentaire de Michael James. Dipavali, ou Naraka Chaturdasi, est un festival annuel célébré en Inde le 14e jour de la lune décroissante en octobre ou novembre. Dans ce verset, Sri Bhagavan explique la signification du bain d'huile que les gens prennent habituellement le matin de ce jour-là, en souvenir de la victoire du Seigneur Narayana sur Narakasura. Sri Bhagavan a résumé les deux versets ci-dessus dans le verset suivant. Celui qui tue Narakasura, c'est-à-dire l'ego, avec la roue du Jnana, en se demandant « Où est la source de Narakasura qui règne sur Narakaloka ?» ce corps misérable en tant que moi. Et le Seigneur Narayana, et ce jour de la destruction de l'ego, est le jour propice de la 14e lune. Fin du commentaire. Dipavali signifie la grande splendeur du soi qui resplendit après avoir détruit la lumière réfléchie, c'est-à-dire l'ego, Narakasura, qui gouvernait ce corps immonde, lequel est la forme de l'enfer, en tant que moi. Commentaire de Michael James. Ce verset, expliquant la signification des lumières, c'est-à-dire les feux d'artifice utilisés le jour de Dipavali, a été réécrit comme suit par Sri Bhagavan. Dipavali signifie l'éclat du soi après la destruction, par l'investigation, du plus grand pécheur, Naraka, c'est-à-dire l'ego, qui a pris comme demeure ce corps immonde, lequel est la forme de l'enfer en tant que moi. Fin du commentaire. Chapitre 29. La grandeur d'Aham Mukha, l'attention au soi. Verset 184. Tandis que le soi, la source, est la réalité de l'ego, qui ne peut connaître que des objets autres que lui-même par ses sens, devrait être le seul auquel se cramponner tous les efforts de l'aspirant pour se concentrer sur d'autres objets, qui sont tous des deuxième et troisième personnes, sont comme ignorer une chose en essayant de saisir son ombre. Pour le mental extraverti, qui souffre énormément, ne connaissant par les sens que les objets de forme et de qualité se trouvant devant lui, le moyen de demeurer dans le soi est de commencer à se demander intérieurement « Qui suis-je ?» Ô gens misérables et extravertis, à défaut de voir le voyant, vous ne voyez que ce qui est vu. Dissoudre la dualité en se tournant vers l'intérieur au lieu de l'extérieur est la seule béatitude. Commentaire de Sadhu Om. Les termes intérieur et extérieur ne peuvent s'utiliser qu'en référence au corps, mais comme le corps est lui-même une simple imagination, il ne faut pas prendre ces termes à la lettre. La raison de l'utilisation de ces mots est que l'aspirant, dans son ignorance, sent que son corps est moi. Par conséquent, quand on lui dit de se tourner vers l'intérieur, il doit comprendre qu'il doit se tourner vers le soi, c'est-à-dire qu'il doit tourner son attention vers ce qu'il sent comme étant moi. En vérité, le soi n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur du corps, puisque lui seul existe au-delà de toutes les limitations telles que le temps et l'espace. Fin du commentaire. Ô mental, il n'est pas sage pour toi de sortir sous forme de pensée. Il vaut mieux aller à l'intérieur. Cache-toi au plus profond du cœur et échappe aux astuces de Maya, qui essaie de te décontenancer en t'attirant vers l'extérieur. Ô mental, ne gaspille pas ta vie à errer au dehors, à rechercher des merveilles et à courtiser les plaisirs. Connaître le soi par la grâce, c'est-à-dire l'investigation sur le soi, et ainsi demeurer fermement dans le cœur, seul cela en vaut la peine. Étant donné que seule la notion de dualité altère la béatitude et cause la misère, éviter de céder aux attraits de cette notion et arrêter ainsi tous les citta vritti, c'est cela seul qui en vaut la peine. Ô gens, ne sachant pas que Shiva demeure en vous, vous volez comme des oiseaux d'un lieu saint à un autre lieu saint en cherchant son darshan. La conscience, lorsqu'elle demeure toujours dans le cœur, est le Shiva suprême. Commentaire de Sadhu Om. Chercher le darshan de Shiva en dehors de soi demande du mouvement, mais il est révélé ici qu'être immobile est le seul vrai moyen de le chercher. Fin du commentaire. 191. Le navire serait détruit par la tempête si ses voiles étaient déployées à l'extérieur, mais il est en sécurité lorsque son ancre est profondément enfoncée dans la mer. De même, si le mental était plongé profondément dans le cœur, au lieu de se répandre à l'extérieur, ce serait le jñāna. 192. Arrêtez le mental qui tente de se précipiter à l'extérieur. En toute sécurité à l'intérieur est l'acte vraiment héroïque de l'aspirant mûr qui veut voir le Seigneur suprême dans le cœur. Lorsque le mental, c'est-à-dire l'attention de l'ego, qui erre à l'extérieur, commence à s'occuper de sa propre nature, tous les autres objets disparaissent. Puis, en faisant l'expérience de sa propre vraie nature, c'est-à-dire le soi, le pseudo-moi mourra également. Commentaire de Sadhu Om. Ce verset enseigne clairement que si le mental, c'est-à-dire la première personne, le « je », tente de s'occuper de lui-même, non seulement les deuxième et troisième personnes disparaîtront, mais le mental lui-même mourra également. Une description complète de l'investigation « Qui suis-je ?» est donc donnée ici, à savoir qu'elle communique ce qu'est la méthode, ce qui se passe au cours de la pratique, et quel sera le résultat. Fin du commentaire. Chapitre 30. Le royaume de Dieu. Verset 194. Dieu ne réside dans aucun autre lieu que le cœur. C'est en raison de l'illusion, causée par l'ego, l'idée « je suis le corps », que le royaume de Dieu est conçu pour être ailleurs. Soyez certain que le cœur est le royaume de Dieu. Commentaire de Sadhu Om. Parce que nous limitons notre nous-mêmes et croyons que le corps minuscule et indigne est moi, il s'avère nécessaire de penser qu'il y a, en dehors du moi, un Dieu glorieux et tout-puissant, vivant dans un royaume merveilleux et lointain qui lui est propre et qui crée ce vaste univers. En vérité, cependant, puisque l'âme, le monde et Dieu germent et apparaissent tous sous la forme de moi, à la fois la source, Dieu et son royaume doivent être connus pour être le soi. Se reporter également à la parole du Christ dans l'Évangile de Luc, chapitre 17, verset 21, où il est dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Fin du commentaire. Sachez que vous êtes la lumière parfaite et resplendissante qui non seulement rend possible l'existence du royaume de Dieu, mais lui permet également d'être vu comme un paradis merveilleux. Connaître ceci seul, c'est le jnana. Par conséquent, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. L'espace illimité de Turiyatita qui brille soudainement, dans toute sa plénitude, dans le cœur d'un aspirant hautement mûr pendant l'état d'absorption complète du mental, pareil à une expérience fraîche et jusque-là inconnue, est le véritable Shivaloka, c'est-à-dire le royaume de Dieu, rarement atteint et brillant par la lumière du soi. Chapitre 31. Shiva, le Suprême. Verset 197. Ayant éradiqué l'ego, qui errait comme un fantôme dans l'illusion, et ayant détruit la dualité du sensible et du non-sensible, l'âme, qui est ainsi noyée et bien trempée dans la lumière du pur et bienheureux Sahaja Samadhi, et le Shiva suprême. Lorsque l'ego, le sentiment d'être une entité séparée, est extirpé, le Chittam demeure comme Shivam, la suprême conscience Chit, ayant fusionné dans le cœur en tant que « je suis la conscience elle-même » et ayant par là même détruit toutes les conceptions mentales, fausses et obtuses. Commentaire de Sadhu Om. La syllabe Tam dans Chittam représente l'ignorance qui vient de Tamas ou ténèbres. Par conséquent, quand ce Tam est extirpé, seule la pure conscience Chit demeure. Fin du commentaire. Cet être éternel est le plus subtil, qui pénètre et transcende tout, est Dieu, le Shivam suprême, qui est réalisé lorsque le mental largement dispersé se dissout dans sa source, après avoir éliminé ses impuretés et s'étant bien polissé. Chapitre 32. L'unité de Hara et Hari, à savoir Shiva et Vishnu. Verset 200. On dit généralement que celui qui donne le jnana aux Jiva est Hara, et que celui qui leur donne le plaisir céleste est Hari. Mais puisque le jnana inébranlable est lui-même Dieu et la suprême béatitude, sachez que Hara et Hari ne sont pas deux, mais un. Chapitre 33. Shiva et Shakti. Verset 201. Le soi primordial et unique, la source et le cœur sans lesquels la Parashakti, qui fonctionne sous la forme du mental, ne peut même pas avoir la moindre existence, est le Shiva pur qui resplendit en Chidambaram. La béatitude éternelle, dès l'atteinte de laquelle le mental cesse d'errer vers l'extérieur, est Shiva, qui est le cœur donnant l'expérience toujours fraîche du jnana. Les Chittam des aspirants très mûrs sont eux-mêmes les gopikas qui furent charmés par l'amour. Sachez que le cœur qui extirpe l'orgueil de l'ego, tout comme la flamme détruit le papillon de nuit, est le bien-aimé des gopikas. Note de Michael James. Les gopikas sont les jeunes filles qui vécurent et jouèrent avec Sri Krishna sur les rives de la Jamuna. Fin de la note. Chapitre 34. L'adoration de Shiva. Shiva Puja. Verset 204. Une attitude paisible, associée à un flux silencieux du mental vers la demeure inébranlable dans le soi, Sat Chit, est la meilleure adoration de Shiva. Commentaire de Sadhu Om. Lorsque le mental erre vers l'extérieur, loin de la source, il déshonore en fait le soi, et ainsi sa demeure inébranlable dans le soi, son flux silencieux, est considéré ici comme la véritable adoration du soi. Fin du commentaire. Le saint Markandeya survécut à la mort, en triomphant même de Yama, le dieu de la mort, et vécut au-delà du temps qui lui était destiné. Sachez donc que la mort peut être vaincue en adorant Shiva, le tueur de la mort. Commentaire de Michael James. Dans l'histoire du saint Markandeya, Shiva a tué Yama, le dieu de la mort. Et on dit par conséquent qu'en adorant Shiva, on peut triompher de la mort. La véritable adoration de Shiva, c'est demeurer dans le soi. Et puisque le soi, Shiva, est au-delà de la naissance et de la mort, en demeurant en tant que soi, on triomphe de la mort et on atteint l'immortalité. Fin du commentaire. Ayant obtenu la vision non-duelle que les huit formes de l'univers, qui sont de simples conceptions mentales, sont des formes de Dieu, celui qui les adore de façon appropriée accomplit aussi une bonne Shiva Puja. Commentaire de Sadhu Om. Les huit formes de l'univers sont l'espace, l'air, le feu, l'eau, la terre, le soleil, la lune et les jivas. La vision non-duelle ne s'obtient qu'après avoir réalisé l'unité du soi, et jusque-là, un aspirant doit se fier à son imagination mentale pour tenter de voir et d'adorer les huit formes comme les formes de Dieu. Une telle adoration, reposant sur l'imagination, peut être considérée comme un bon nishkama karma, c'est-à-dire une action sans désir, qui aide à purifier le mental et à montrer ainsi la voie de la libération, comme Sri Bhagavan l'enseigne dans les versets 3 et 5 de l'Upadesasaram. Cependant, dès lors que cette adoration n'est qu'une activité mentale, on ne peut l'assimiler à la plus haute et véritable Shiva Puja mentionnée dans les versets 204 et 205. Seul le Jnani voit vraiment que les huit formes ne sont pas autres que le soi, c'est-à-dire Dieu. C'est ainsi que lui seul peut vraiment accomplir le Nishkama Karma, ou la Shiva Puja. Fin du commentaire. Chapitre 35. La vérité de Namaskaram. Verset 207. La signification du Namaskaram du Jiva imparfait, quand il place sa tête orgueilleuse sous les pieds du Gourou ou de Dieu, et que son sens de l'ego, « je suis le corps », doit s'anéantir par la connaissance du soi. Chapitre 36. Adoration des idoles. Verset 208. Ô vous qui ridiculisez l'adoration des idoles, n'ayant pas découvert son secret par l'amour qui fait fondre le cœur, comment se fait-il que vous adoriez quotidiennement l'immonde idole de votre corps en tant que moi ? Commentaire de Sadhu Om. On croit généralement que l'adoration des idoles consiste à confondre une idole avec Dieu et à la traiter en conséquence, en lui offrant un bain, un linge, de la nourriture et une totale hospitalité. Mais confondre un corps avec le soi et le traiter en conséquence est aussi une forme d'adoration idolâtre. En effet, traiter et aimer un corps en tant que moi est l'erreur initiale qui mène à toutes les autres formes d'adoration idolâtre. Il est donc clair que nous sommes tous des adorateurs d'idoles, même si nous nous enorgueillissons de mépriser ceux qui adorent les idoles du temple. Aussi longtemps que l'on prend son corps pour moi, il n'y a pas de mal à adorer aussi une idole en tant que Dieu, et jusqu'à ce que l'on sente qu'il est erroné de traiter son corps comme moi, il ne faut pas être méprisant et critiquer d'autres pour traiter une idole comme si elle était Dieu. Si l'on déracine et détruit d'abord la notion « je suis le corps », on est alors en mesure de critiquer le culte des idoles, si une telle critique est nécessaire. À la lumière du jnana, une telle critique serait bien entendu considérée comme inutile. Fin du commentaire.